bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quelle était cette plante? Était-ce une fougère, une mousse, un lichen? Peut-être, mais pas sûr. Quel était cet animal? Un ptérodactyle, un brontosaure ou un autre dinosaure? Pourquoi pas, mais de manière marginale. Il est plus probable qu'il s'agissait de plancton en quantité colossale dans les océans. Et quand ces petits organismes meurent, ils se déposent au fond des eaux. Quelle était cette roche qui les a recouverts? Du schiste argileux, ça c'est sûr. Couvercle imperméable. Puis le temps a passé, des siècles, des millénaires, des millions d'années. Ces accumulations organiques ont changé de nature. Sous l'effet de la chimie naturelle, ils sont devenus liquides, ils sont devenus pétrole. Chose étrange, ces micro-organismes inoffensifs devenus pétrole ont été accaparés par les hommes. Oui, le plancton est devenu une arme. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous creusons l'histoire de l'or noir qui explique le XXe siècle et qui est aussi au cœur des pollutions contemporaines, le pétrole, une histoire souterraine. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui donc, pétrole et convoitise. Et oui, l'importance du pétrole, une importance géopolitique, géostratégique, notamment au cœur des guerres du XXe siècle, des deux conflits mondiaux, mais pas seulement. Nous allons en parler avec vous, Christian Destremau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes auteur d'un ouvrage qui est consacré, et le sujet est intéressant, le Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Moyen-Orient, c'est la Seconde Guerre mondiale qui donne d'un seul coup un aspect tout particulier à cette zone du monde qui nous concerne tant aujourd'hui. C'est publié chez Perrin. Et nous allons ensuite faire un focus. Nous ne sommes pas loin et nous sommes encore dans des problématiques contemporaines avec le Kazakhstan et le Turkménistan, des républiques pétrolières de l'ex-URSS, mais qui aujourd'hui sont encore, on n'en parle pas tant que ça, mais au cœur des réflexions autour de ce qu'est le pétrole et de l'importance du pétrole. Nous allons en parler avec vous. Hélène Rousselot, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine. Et vous aviez donc réalisé une thèse sur la construction du secteur des hydrocarbures au Kazakhstan et au Turkménistan. La thèse s'intitule « Le rôle de l'indigénisation dans la formation de l'État rentier centrasiatique ». C'est un titre de thèse, mais on aime bien. Elle va être publiée cette thèse. Hein. Oui, peut-être pas sous ce titre-là. Elle sera publiée, j'espère, au premier trimestre 2020. Vous pouvez nous expliquer tout de suite ce qu'est cette indigénisation? Oui, c'est très simple. Il s'agit de la promotion par le pouvoir soviétique dans un premier temps des locaux dans le secteur concerné. Donc là, en l'occurrence, des Kazakhs, des Turkmènes dans le secteur pétrolier, mais aussi des Centrasiatiques qui se trouvaient dans les territoires concernés. Merci beaucoup. Et ça, il va falloir nous expliquer parce que on est dans de la vraie géopolitique du XXe siècle. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien qui assure la programmation de cette émission, le cours de l'histoire. Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Mais pour commencer, nous allons partir à la rencontre d'un moustachu. Georges Clemenceau, nous sommes le 15 décembre 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Clemenceau vient d'être élu président du Conseil. Clemenceau s'adresse dans une note au gouvernement des États-Unis et ce matin, dans le cours de l'histoire sur France Culture, Clemenceau est Daniel Koenigsberg qui nous lit cette note. Le gouvernement français, par la voix de son chef Georges Clemenceau, s'adressa directement au gouvernement américain. Dans sa note personnelle au président Wilson du 15 décembre 1917, Clemenceau demandait la mise à la disposition de l'approvisionnement français d'un tonnage de 100 000 tonnes en navires citernes et ajoutait « Le président Clemenceau demande personnellement au président Wilson de faire acte d'autorité gouvernementale nécessaire pour la mise en marche immédiate de ces 100 000 tonnes de bateaux citernes sur les ports français. Il y a là une question de salut public interallié. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence, aussi précieuse que le sang, dans les batailles de demain. En 1917, Georges Clemenceau dit, écrit, que l'essence est aussi précieuse que le sang dans les batailles de demain. En vérité, dans les batailles déjà du moment, nous sommes en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Christian Destremau, l'essence comme élément essentiel du premier conflit mondial nous évoque tout de suite les nouvelles machines de guerre. On pense tout de suite aux tanks, on pense tout de suite aux avions, aux chars d'assaut. L'essence est nécessaire pour faire la guerre, ce qui n'était pas le cas avant. Si on prend une autre guerre d'ampleur précédente, la guerre, par exemple, celle de Crimée, ou la guerre donc en 1854-56, ou la guerre de 1870 contre la Prusse, nous ne sommes pas encore avec des problématiques liées à l'essence. Mais au début du XXe siècle, tout a changé. Il y a des armes de guerre qui nécessitent énormément d'essence. Vous avez tout à fait raison, mais l'étape primordiale a eu lieu avant la guerre de 14. C'est la décision par la Royal Navy de passer du charbon au pétrole, au mazout, pour ses navires de guerre. Et par conséquent, logiquement, la décision prise par Winston Churchill, qui est à ce moment-là à la tête de la Royal Navy, de prendre une participation très significative dans le pétrole iranien. C'est la création de la compagnie Anglo-Persian qui va permettre à la Royal Navy de se ravitailler. Et c'est vraiment là que s'ouvre une perspective stratégique. Je ne suis pas sûr que Clemenceau ait eu vraiment la même clairvoyance, en dépit de ce qu'il écrit, que Winston Churchill dans ce domaine. D'ailleurs, après la guerre, Clemenceau lui-même en personne va céder au Royaume-Uni une grande partie des puits pétroliers qui se trouvaient en Irak, dans la zone d'influence française. Il va accepter, dans une discussion un peu à l'emporte-pièce, une sorte de deal avec le Premier ministre britannique Lloyd George. Et finalement, la France va perdre une partie des ressources éventuelles pétrolières au Moyen-Orient, qui était dans la zone d'influence française définie par les accords Sykes-Picot, les fameux accords Sykes-Picot de 1916. Donc la vision et la clairvoyance stratégique, elle est plutôt du côté des Britanniques. Du côté des Britanniques, effectivement, vous le soulignez bien, Christian Destremau, puisqu'il y a la marine, les Britanniques sont complètement concernés. La grande puissance marine britannique nécessite énormément d'essence. Et vous venez d'évoquer des accords signés pendant la guerre, où la France, c'est vrai, pourrait-on dire, se fait un peu avoir en échange de l'abandon de son influence sur les réserves pétrolières que l'on n'imagine pas encore, parce qu'il faut le souligner aussi, il y a aujourd'hui une lecture facile, parce qu'on sait que le pétrole est là. Là, nous sommes à un moment où il y a beaucoup de supputations. La France, elle, accepte quoi? Elle accepte de prolonger son mandat en Syrie? Non, oui, elle obtient, enfin, Clemenceau, ce ne sont pas les accords Sykes-Picot prévoient, enfin, la carte montre bien que le pétrole de Mossoul, de Kirkuk, est dans la zone d'influence française. Mais Clemenceau se fait avoir, clairement, par Lloyd George en 1920, et parce qu'il a peur de perdre. Et en fait, Clemenceau, après la guerre, se désintéresse du Moyen-Orient. Clemenceau, finalement, veut que s'intéresse surtout à la situation en Europe et pas du tout à la situation mondiale. Et donc, il va céder, il va consolider la situation pour la France en Syrie, mais finalement, il va céder toute cette partie qui est la partie la plus importante. Alors, on est au début de la prospection pétrolière, c'est pas non plus les perspectives, mais sont pas forcément mirifiques, et le Moyen-Orient a une place encore très marginale dans le pétrole dans le monde. Mais quand même, là, il a reconnu après, d'ailleurs, qu'il s'était fait vraiment avoir par les Britanniques. Oui, alors dans cette mise en perspective, vous venez de le dire, il est essentiel de remettre les choses en place. Donc déjà, par la géopolitique ou géostratégie, mais sur les réserves de pétrole et les productions de pétrole, nous ne sommes pas du tout dans ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que le gros producteur de pétrole, ce sont les États-Unis. Ce sont eux qui produisent du pétrole. Nous sommes au début du XXe siècle. Et puis, l'autre aspect qui est essentiel à souligner, c'est que si nous faisons un focus sur la Première Guerre mondiale, c'est vrai qu'on a l'impression que le pétrole devient majeur. Non, il faut étendre un petit peu le temps et se rendre compte que depuis le début du XXe siècle, certains ont déjà perçu l'importance du pétrole, qu'il était nécessaire de maîtriser, de dominer des zones où l'on pouvait produire du pétrole. C'est le cas notamment des puissances qui n'en produisent pas elles-mêmes. Alors les Français déjà avaient regardé, les Britanniques avant eux. Absolument, mais ce sont d'ailleurs souvent des initiatives individuelles. Hein. Ce sont des sortes de flibustiers du pétrole qui arrivent dans un pays et qui signent des accords de concession. C'est comme ça que ça se passe au début du XXe siècle. Les États ne sont pas engagés directement au départ. Elles viennent après. Et les Britanniques dans ce domaine sont un peu plus agressifs et un peu plus prennent plus d'initiatives que les Français, d'où la pénétration notamment. Notamment en Iran, ce qu'on appelle la Perse encore, sur l'initiative des Britanniques. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous connaissons bien cet aspect-là par la culture populaire, par des personnages. Vous avez évoqué un mot qui parle tout de suite parce qu'on évoque des images à la radio et il faut créer comme ça un univers. Et cet univers, il peut être créé très facilement par de la musique. C'est celle de Maurice Jarre. Et quand on parle d'aventurier, d'un espace à conquérir autour du pétrole, tout de suite, nous arrivons en Arabie avec Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, un film de David Lean en 1962. Cette musique de Maurice Jarre évoque tout de suite des paysages grandioses. Et ce personnage, cette figure historique qu'est Laurence d'Arabie, est reliée à cette problématique du pétrole. Toute la zone de l'Arabie où l'on espère obtenir du pétrole est un enjeu de la Première Guerre mondiale. Et là, nous ne sommes plus simplement de la nécessité d'avoir du pétrole pour faire marcher les navires, les avions et les chars d'assaut. C'est déjà des prises de position géostratégiques, Christian Destremau. Oui et non. C'est-à-dire que Laurence d'Arabie, en l'espèce, se fiche complètement des histoires de pétrole. Au contraire, il déteste ces affaires d'argent. Et il choisit, et il pousse l'Angleterre à soutenir la dynastie hachémite, le shérif de la Mecque, Hussein, alors que, parallèlement, d'autres aventuriers britanniques se rapprochent et conseillent celui qui, plus tard, sera un homme clé dans l'affaire du pétrole, qui est Ibn Saoud, qui n'est pas encore le souverain d'Arabie Saoudite, qui est en train de le devenir. Et les Britanniques, de ce point de vue-là, jouent assez astucieusement sur les deux plans. Mais ce sont des personnalités, le Cheikh Damek et Ibn Saoud sont en conflit total. Donc les choix ne sont pas encore tout à fait clairs de ce point de vue-là. Et le choix qui est clair, en tout cas, c'est d'avoir une influence dans cette région du monde. Absolument, essentiellement à cause de ce qui se passe en mer Rouge, en Iran et dans le sud de ce qui est aujourd'hui l'Irak, enfin le sud de la Mésopotamie. Pas encore dans toute la péninsule arabique. Pas encore dans toute la péninsule arabique. Et cette réflexion autour du pétrole pendant la Première Guerre mondiale nous conduit également en Russie, où pendant la Première Guerre mondiale, il y a un bouleversement majeur qui est la Révolution russe. Et dès les premiers temps de la Révolution russe, il y a une réflexion autour de l'énergie, de la mise en place d'organismes qui structurent l'énergie. Hélène Rousselot, vous avez travaillé sur un temps très long, donc celui du tout le XXe siècle, on va dire, tout le XXe siècle. Et on voit que dès 1918-1919, il y a des structures qui se mettent en place pour réfléchir à l'organisation étatique de la gestion de cette ressource qu'est le pétrole. Oui, ça s'est produit quand même un petit peu plus tard, puisque dans les années que vous évoquez, donc les situations extrêmement perturbées sur ces territoires. Je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Vous écrivez, voilà, le 2 mars 1918, le Conseil supérieur de l'économie nationale crée le commissariat au pétrole. Oui. Donc on est en mars 1918. C'est vrai, tout à fait. Et donc dans cette période perturbée, j'avais mis comme jalon de départ dans ma thèse, là, une date assez symbolique qui est le télégramme que Lénine envoie à Frunze, qui se trouve dans ce qui sera qui est en Asie centrale, et étant donné les pénuries de tout ordre à Moscou à l'époque, vraiment de tout, les hommes politiques tombent d'inanition pendant leur discours parce qu'ils n'ont pas mangé. Donc on a aussi besoin d'énergie, et Lénine demande à Frunze d'envoyer par tous les moyens du pétrole, donc du nord de la Caspienne, dont on connaît donc déjà un peu l'existence, d'acheminer vers Moscou, ce qui est pas très simple parce que tout le réseau d'acheminement n'est pas encore en place évidemment à l'époque. Oui, le réseau d'acheminement, en plus, ne se construisait pas pour la Russie uniquement du nord vers le sud, mais également vers l'est. Et dans cette nécessité d'avoir du pétrole, les Russes à Moscou regardent vers le sud. Et c'est vrai que les bolcheviks qui arrivent au pouvoir se rendent compte de l'importance géostratégique de cet espace. Donc cet espace autour de la mer Caspienne, vous pouvez nous le présenter, c'est un espace extrêmement complexe en fait. Oui, alors il est aujourd'hui constitué de 5 États indépendants, ce qui n'était pas à l'époque le cas. Je peux vous présenter donc la géopolitique actuelle. Donc le Kazakhstan est bordé au nord par la Russie actuelle, à l'ouest par la mer Caspienne, les rives plutôt au nord, et au sud une frontière avec le Turkménistan. Avec l'Ouzbékistan, avec le Kyrgyzstan et avec la Chine. Donc c'est une géopolitique assez intéressante en ce moment. Le Turkménistan, lui, est bordé au sud par l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et donc le Kazakhstan, et avec aussi donc les frontières au sud de la mer Caspienne. C'est vrai que c'est un jeu que l'on pourrait faire, essayer de placer tous ces pays dont on connaît le nom, hein, Turkménistan, Ouzbékistan, etc. En gros, nous sommes entre la Russie et l'Iran. Nous oui, sommes dans cette zone complexe. Et la Chine. Et la Chine à l'est. Et dans cette zone-là, il y a la conscience qui se trouve des réserves pétrolières immenses. Oui. Il faut les exploiter. Je ne sais pas si à l'époque on savait qu'elles étaient immenses. On l'a su un peu plus tard grâce à un géologue qui s'appelait Gubkin et qui avait été formé aux États-Unis, qui avait exploré les strates, la géologie du golfe du Mexique, et qui a fait des évaluations très, très intéressantes, et qui savait dans les années 30 qu'il y avait des réserves assez importantes. Donc avec des réserves donc dans toute la mer Caspienne en offshore, qui sont l'objet en ce moment d'exploitation et de... Enfin, on le sait depuis très longtemps qu'il y a du pétrole en mer Caspienne, puisque des voyageurs... au XVIIIe siècle, en traversant la Caspienne, voyait des choses, des phénomènes assez curieux. Et maintenant, on sait évidemment qu'il s'agit de gaz et de pétrole. Donc, les gros gisements au Turkménistan sont situés, les gros gisements de gaz absolument gigantesques qui alimentent actuellement la Chine sont situés plutôt dans l'est du Turkménistan. Donc, il reste, le pétrole est exploité depuis le 19e siècle par des Turkmènes, et les gros champs du Kazakhstan sont situés donc à Kashagan en mer Caspienne et au nord-est de la mer Caspienne. Dans cette réflexion que nous avons ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, sur la géopolitique du pétrole, nous sommes au moment de la Première Guerre mondiale, et dans cette guerre mondiale, si l'on parle géopolitique et pétrole, il y a un moment majeur, c'est l'entrée des États-Unis dans la guerre. Dites-nous, Christian Destremau, est-ce que l'on peut dire que les États-Unis, quand ils arrivent en guerre, arrivent surtout avec leur pétrole. Est-ce que l'on peut dire que le pétrole est décisif dans l'économie de la guerre, de la Première Guerre mondiale ? Je ne suis pas certain, parce que la mécanisation des armées est encore très faible. D'ailleurs, si on se projette en avant, même en 1940, il n'est pas sûr que le pétrole soit décisif, même dans ce qu'on a appelé le Blitzkrieg allemand. Donc en 17-18, non, je suis pas convaincu que le pétrole soit véritablement décisif, parce qu'on est encore quand même fondamentalement dans une guerre de tranchées, et que la victoire, malgré tout, la victoire des Alliés, elle se passe, comme elle se passe durant toute cette guerre, elle se passe dans un combat dans les tranchées. Donc c'est pas quelque chose de décisif. C'est en cela que il est intéressant d'avoir relié ce matin les deux conflits mondiaux pour bien montrer la différence de nature entre ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, où vous venez de le dire, Christian Destremau, le pétrole est important sans être décisif, et la Seconde Guerre mondiale, où l'on sent que le pétrole est un enjeu majeur, dans le sens où les différents protagonistes de cette guerre sont sans cesse dans une course à aller chercher du pétrole, notamment pour les nations qui en manquent, et notamment c'est le cas de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, justement, après la Première Guerre mondiale, sur la répartition des zones d'influence pour maîtriser là où l'on produit du pétrole ? Alors, il y a, encore une fois, on parle du Moyen-Orient, ce qui se passe aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, au Venezuela, c'est encore ce qu'il y a de plus important quand on prend les chiffres. Ce qui se passe en Europe, ce sont des accords, surtout au Moyen-Orient et en Iran, qui se concrétisent en 1928 par ce qu'on a appelé la ligne rouge, qui est une sorte de répartition de l'exploitation des ressources entre les différentes compagnies. Il y a d'un côté l'Anglo-Persian et de l'autre, ça a changé de nom, mais c'est devenu l'Iraq Petroleum Company, et dans lequel les grandes compagnies américaines ou britanniques ont des participations. Donc c'est là qu'intervient le fameux Khalust Gulbenkian, monsieur 5%, qui s'est débrouillé pour avoir 5% de l'ensemble des profits du pétrole dans cette zone. Donc il y a une répartition de la production, de l'exploitation des puits dans toute cette région à partir de 1928. Vous parlez de l'Allemagne. L'Allemagne est totalement exclue de tout ça depuis la Première Guerre mondiale. Elle avait, par le biais de la Deutsche Bank, une participation significative dans l'Anglo-Persian, mais cette participation a été récupérée par la France en 1919 ou 1920, je ne sais plus, ou en tout cas au moment des accords de paix, et c'est devenu la Compagnie française des pétroles. Donc l'Allemagne se retrouve tout à fait démunie. Elle est obligée d'importer. Elle importe beaucoup de Roumanie, qui est le gros producteur en Europe. Et elle apporte des États-Unis et du Venezuela. Et lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, il a qu'une obsession, c'est de donner une certaine l'économie allemande de l'amener vers une certaine forme autarcie. Et c'est là qu'il crée l'industrie du pétrole synthétique en Allemagne. Alors, c'est des éléments importants de se dire que nous sommes dans l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y a déjà des réflexions stratégiques autour du pétrole. C'est le cas également en Russie, en URSS. On va dire que dans les premiers temps après la Révolution, ces républiques du Sud ont une forme d'indépendance, et très vite, le pouvoir de Moscou prend la main sur ces républiques. Hélène Rousselot, comment cela se construit ? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'avoir une mainmise sur des zones qui peuvent être stratégiquement intéressantes dans les années 1920 pour l'URSS ? Ce qu'on peut dire, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est donc la volonté du pouvoir soviétique, qui se trouve donc plutôt à Moscou, de promouvoir et de créer des institutions, c'est-à-dire des entreprises, des trusts, ce qu'on appelait autrefois des trusts en Union soviétique, des unions de production de pétrole. Donc à l'époque, on parle, avant la Deuxième Guerre mondiale, avant les années 50, on parle que de pétrole, on parle pas encore de gaz, charbon aussi, mais c'est pas le sujet. Et donc, le pouvoir soviétique fait en sorte de créer toutes ces institutions, ces entreprises. Encore que le mot entreprise, à l'époque, dans le contexte politique, n'est pas toujours accepté. On dit union de production et trust. Et il s'agit donc de promouvoir tous les centres asiatiques qui habitent sur ces lieux de production potentielle, de les promouvoir à tous les postes, ouvriers, ingénieurs, géologues. Et donc il y a même un géologue fameux qui deviendra le premier président de l'Académie des sciences du Kazakhstan après la guerre. Et donc tout est mis en œuvre pour faire en sorte que cette main-d'œuvre soit opérationnelle au mieux. Au mieux, donc, la construction se fait depuis Moscou. Il y a une volonté politique de Moscou dans un premier temps de promouvoir tous ces centres asiatiques. Et puis après la guerre, cette promotion se fait spontanément par les Kazakhs, les Turkmènes eux-mêmes. L'importance de ces républiques du sud de l'URSS, l'importance du pétrole dans la géostratégie, dans la géopolitique de la guerre, c'est ce qui nous intéresse ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le pétrole est-il le moteur de la guerre ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le XXe siècle avançant pour les différentes nations, nous savons qu'elles vont entrer en guerre, la Seconde Guerre mondiale est là, et la seule crainte est de tomber en panne d'essence. Clin d'œil souriant avec Francky Jordan et Sylvie Vartan. Oh, ne te mets pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison, ça fait bien loin à pied. Oh, je connais les garçons, l'endroit est désert. Je te vois bien venir, il a tout pour plaire. Il faut repartir, mais je n'ai plus d'essence. Ça, je n'en crois rien, nous sommes en avance. Ça t'arrange bien, il faut rester là. Ma maman m'attend, surtout ne t'en va pas. Tu es échenapant. Wow. Surtout n'ouvre pas la porte, dehors la pluie est si forte. Entends-tu le tonnerre gronder? Viens dans mes bras pour te réchauffer. Dans mes bras il fait bon. Tu vois, je le savais, à pied c'est trop long. Tu me fais bien marcher, tu devrais me croire. Moi je sais que tu mens, je n'ai rien dans le réservoir. Mais je t'aime tant, je voudrais t'embrasser. Pas plus d'une fois, pour te réchauffer. Prends-moi dans tes bras. Ah comme on est bien, dehors il pleut, pour l'essence on est loin. Oh oui c'est tant mieux. Boutoum boutoum boutoum, allez allez. De la chance d'être tombé en panne d'essence. Après tout, ici on est très bien. Je ne regrette vraiment rien. Pour toi, je perds l'esprit. Attendons un peu. En fait, tu m'as compris. Le ciel est bleu. Tu ne m'en veux pas. Je t'aime trop. Alors restons comme ça. Oh, comme il fait beau. Oh, chérie, je te demande pardon. Dans la malle, il y a un bidon. C'est seulement maintenant que j'y pense. Il est plein d'essence. Francky Jordan, Sylvie Vartan, La panne d'essence dans le cours de l'histoire. Une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Pierrick Monsigny. Dans le cours de l'histoire, aujourd'hui c'est pétrole et convoitise. Nous sommes à la rencontre de la géopolitique, de la géostratégie et du pétrole dans les conflits du XXe siècle. Et oui, si le pétrole était le moteur de la guerre, nous avons évoqué que durant la Première Guerre mondiale, le pétrole a une importance, il n'est pas essentiel, mais surtout qu'au cours du XXe siècle, durant l'entre-deux-guerres, la géopolitique porte un soin particulier, une attention particulière à dominer les zones pétrolières, et notamment avec des grands trusts, des grandes constructions. Ce sont des constructions privées ou soutenues par les États. Christian Destremau, comment ces grands organismes qui veulent exploiter le pétrole se construisent? L'État est derrière? À partir de la Première Guerre mondiale, non, l'État se désengage. Enfin, les compagnies au Moyen-Orient, en tout cas, ce sont les compagnies américaines, britanniques, British Petroleum. Ce sont des compagnies privées. Hein. Enfin, elles sont très soutenues, évidemment, par l'État. Ce sont des bras armés de l'État, finalement. Et donc, l'enjeu apparaît au moment où la guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale, où là, les États sont pleinement concernés. Nous allons entendre une note qu'a écrite le 27 mai 1940 le général Wavell, donc commandant en chef de l'armée britannique au Moyen-Orient. C'est une note stratégique qui nous est lue ce matin par Daniel Königsberg. Le 27 mai 1940, alors que débutait l'évacuation de Dunkerque, le général Wavell rédigea une brève note stratégique. Le pétrole, le transport maritime, la puissance aérienne, la puissance maritime sont les clés de la guerre. Et ils sont interdépendants. L'arme aérienne et l'arme navale ne peuvent fonctionner sans le pétrole. Le pétrole, sauf en quantité très limitée, ne peut être transporté vers sa destination autrement que par transport maritime. Le transport maritime a besoin de la puissance navale et de la puissance aérienne. Nous avons accès à pratiquement toutes les ressources pétrolières du monde. Nous avons une position dominante dans le transport maritime. Nous avons potentiellement la puissance aérienne la plus importante lorsqu'elle sera pleinement développée. En conséquence, nous avons l'assurance de gagner la guerre. L'Allemagne est très à court de pétrole et n'a accès qu'à des ressources limitées. Le transport maritime de l'Allemagne est pratiquement confiné dans la mer Baltique. La puissance navale allemande est faible. La puissance aérienne de l'Allemagne est grande. Mais cet atout est en voie de diminution. Par conséquent, l'Allemagne doit perdre la guerre. le général Wavell en 1940. Christian Destremau, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, Le Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous nous avez dit que pendant la Première Guerre mondiale, quand on écoutait Clémenceau qui disait que l'essence est aussi précieuse que le sang, vous avez dit il faut relativiser ça. Pendant la Première Guerre mondiale, nous sommes avec une guerre de tranchées. Quand on entend en 1940 un général britannique dire que l'Allemagne doit perdre la guerre car elle n'a pas de pétrole, est-ce que l'analyse est juste ? Le général Wavell était un véritable stratège. Donc, je ne certainement pas le contredire. Bon. Mais entre la victoire, il y a la situation de départ et puis la victoire, c'est un long chemin quand même. Et d'ailleurs, ce que Wavell oublie et sous-estime probablement, c'est le rôle joué par les sous-marins allemands qui vont, à un moment donné, interrompre de manière très significative les liaisons maritimes entre les États-Unis et l'Angleterre. Et il y a une phase extrêmement difficile pour les Britanniques au début de 1942, où les sous-marins détruisent un nombre considérable de pétroliers américains le long des côtes américaines, et c'est un grand moment d'inquiétude. En même temps, est-ce que avec le pétrole, avec l'accès aux ressources du pétrole, est-ce que c'est aussi la garantie de gagner la guerre ? Il y a quand même d'autres éléments qui sont le courage des hommes, les choix stratégiques, la patience. Mais il y a un fait absolument indubitable et incontournable, c'est que l'Allemagne, l'adversaire, lui, est dans une situation précaire de ce point de vue-là. Et les choix stratégiques d'Hitler ne vont pas faciliter les choses, c'est certain. Oui, c'est vrai qu'il y a une lecture des mouvements de troupes de la géostratégie de l'Allemagne nazie qui peut être liée au pétrole. C'est vrai qu'en Afrique du Nord, il y a une réflexion autour de « il faut atteindre les puits de pétrole ». On peut avoir la même lecture quand on regarde à l'Est, en Russie, où il faut trouver des puits de pétrole. Est-ce que vous trouvez que c'est une lecture trop simpliste ou alors qu'elle permet de comprendre un petit peu la géostratégie allemande ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui a une place importante pour comprendre la stratégie d'Hitler. Et qu'à côté de l'idéologie, qui est évidemment une composante essentielle, il y a d'autres considérations. Hitler est velléitaire, il a des moments où il écoute certains de ses conseillers, à d'autres moments il pense plus aux aspects idéologiques des choses. On le voit très bien dans la stratégie lorsqu'il lance l'opération Barbarossa, qui est quelque chose qui évolue très rapidement. On l'a vu en 40. Il faut se souvenir que quand l'Allemagne attaque la France en 1940, ils sont persuadés qu'il va y avoir, ça va être une guerre longue. D'ailleurs, ils envahissent la France, essentiellement avec des chars, évidemment, on en a beaucoup parlé, mais le reste de l'armée, elle marche ou elle est à cheval. Donc, la guerre de 40, l'invasion de la France, est relativement, contrairement à ce qui avait été prévu, est relativement peu coûteuse en pétrole. D'abord parce qu'elle dure très peu de temps. C'est une volonté, ça, la guerre est claire. C'est vrai que c'est une lecture que l'on pourrait faire de dire l'Allemagne qui ne bénéficie pas de grandes quantités de pétrole a besoin d'une guerre éclair parce qu'elle ne peut pas consommer beaucoup de pétrole. À nuancer également ? À nuancer, parce que je crois que je préférais l'idée que ce sont des guerres de rupture, mais pas forcément des guerres éclair. Les chefs allemands, et Hitler, quand ils attaquent la France, ne sont pas du tout rassurés, ne sont pas du tout persuadés que ça va être facile. Le paradoxe de la guerre de 40, c'est que, de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la guerre qu'on croyait longue se révèle courte, et que la guerre qu'on croyait courte, c'est-à-dire la guerre contre les Russes, elle se révélera beaucoup plus longue que prévu. Donc, c'est une stratégie qui évolue en permanence et il y a incontestablement du côté allemand un manque de réflexion sur ces enjeux qui montre à quel point tout ça a été le fruit quand même d'une folie, en fait. Et les Anglais eux-mêmes, les Américains, surtout les Anglais, quand ils analysent les capacités de production allemandes, les surestiment de manière considérable. Ils pensent qu'il y a, je crois qu'on a vu le chiffre, le double. Ils pensent que l'Allemagne, elle double de ce qu'elle a effectivement, parce qu'ils ne comprennent pas comment les Allemands, qui sont des gens rationnels, se sont lancés dans cette guerre avec des moyens aussi limités. D'ailleurs, on le voit très bien en Afrique du Nord, Rommel a du mal à faire des manœuvres stratégiques avec ses troupes parce que il ne dispose pas d'assez de pétrole pour déplacer toutes ces unités. Et c'est une limite qui semble aberrante de se dire que il fonctionne avec des chars d'assaut et il n'a pas le pétrole. On revient à la vieille tradition de la guerre, c'est-à-dire on avance avec les prises de guerre. C'est-à-dire que c'était comme à l'époque de l'Empire, de Napoléon, les troupes se ravitaillent sur le terrain. Et cette stratégie-là, elle est pour les grands chefs allemands, les chefs militaires, elle est extrêmement dangereuse. Et c'est pas du tout leur façon de voir les choses. Et d'ailleurs, ça se passe mal. Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ça se passe mal, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources. Mais enfin, malgré tout, en 42, Rommel et s'approche d'Alexandrie, les Britanniques commencent à évacuer l'Égypte, donc il a une capacité d'adaptation aussi assez extraordinaire avec des moyens relativement limités. C'est vraiment cette capacité d'adaptation qu'il faut souligner, Christian Destremo, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et des mouvements géostratégiques de l'Allemagne, parce que là nous évoquions l'Afrique du Nord, mais si nous allons en Russie lors de l'invasion, l'attaque de la Russie, il y a également de l'adaptation avec des changements de direction. En tout cas, et c'est ainsi qu'on nous le présente très souvent, une volonté de descendre vers le sud pour atteindre les réserves de pétrole. Il y a vraiment cette volonté, cette nécessité d'avoir le pétrole. Absolument. D'autant que, alors encore une fois, la campagne de Russie de 41 se passe est relativement un peu mécanisée. On a les Allemands utilisent beaucoup la traction, les chevaux, la traction chevaline. À leur surprise, malheureusement, ils ne calculent pas très bien les choses. Il y a beaucoup de morts parmi les hommes, mais aussi parmi les chevaux. Et puis, à l'hiver, donc ça devient extrêmement difficile pour les chevaux. Et donc, à un moment donné, mais ce n'est pas l'objectif initial. À un moment donné, s'ouvre la perspective de prendre le Caucase et notamment d'aller vers Bakou ou plus près, parce qu'il y a des pluies beaucoup plus au nord dans le Caucase. Mais l'objectif initial, C'est là que c'est tout à fait étonnant, n'est pas de récupérer les puits en état de marche, mais de les détruire. C'est-à-dire la stratégie initiale est d'empêcher que les Soviétiques puissent se ravitailler et de couper la voie d'approvisionnement de Bakou par les bombardements, éventuellement, ou bien par la prise, par l'arrivée sur les lieux mêmes. Et puis, on arrive sur place et c'est là où les Allemands découvrent que les Russes ne sont pas idiots non plus et ont commencé à saboter les puits et ils se retrouvent devant rien. Donc il y a des failles considérables dans le renseignement, dans l'analyse psychologique de ce que peut faire l'adversaire, et c'est constant dans cette stratégie allemande. Et le Moyen-Orient à ce moment-là pourrait paraître un peu à l'écart. En tout cas, il n'y a pas les combats tels qu'on les imagine. Et pourtant, il est au cœur des préoccupations. Il se passe énormément de choses au Moyen-Orient, des tensions, des bras de fer. Il faut prendre le Moyen-Orient. Nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, au moins, bon, évidemment, il y a des situations très, très diverses selon les pays. On est encore globalement dans des zones d'influence britannique, en tout cas pour l'Égypte, pour l'Irak, un peu moins pour l'Arabie Saoudite, mais quand même, l'Arabie Saoudite est indépendante. Pour les Britanniques, et Churchill a été décisif de ce point de vue-là, il y a certes la défense des îles britanniques, mais il y a l'Empire. Il ne sait pas encore, il pense que les États-Unis vont entrer dans la guerre, c'est sa seule obsession, mais il ne sait pas quand. Par conséquent, il faut essayer de repartir. On ne gagnera pas contre les Allemands comme ça en Europe, en France, sur un front, sur les fronts habituels. Et donc il faut étendre, si vous voulez, le combat à l'Empire. Et en étendant la guerre à ce qu'est l'Empire, en tout cas dans le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, on va étendre les lignes de communication allemandes. Et c'est là où la question du ravitaillement est essentielle. Il y a des photos extraordinaires du chef d'état-major des armées britanniques, qui s'appelle le général Brooke. Sur les photos, il a toujours avec lui un compas. Et il entend, avec ce compas, il mesure les distances entre les différents points. Donc la distance est essentielle, d'où la question du transport et d'où la question, évidemment, du pétrole. Le fait que les États-Unis sont arrivés en guerre du côté des Alliés avec leur pétrole, du fait que peut-être que les Allemands n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu récupérer les puits de pétrole qui se trouvent au sud de l'URSS, est-ce que le fait de ne pas maîtriser du pétrole pour l'Allemagne nazie explique en partie la défaite ? Oui, elle explique certainement. Elle explique la fin de l'expansion allemande. Elle l'explique moins à partir du moment où, parce que là encore c'est de la géographie, à partir du moment où l'étau se resserre, plus les fronts sont réduits, moins on a besoin de pétrole. Alors on consacre plus à la défense aérienne, aux avions de chasse, parce qu'il y a la campagne, parallèlement il y a la grande campagne de bombardement de l'Allemagne, qui pour les Allemands implique un investissement énorme en matière de pétrole. Mais les choses deviennent évoluent dans la mesure où effectivement les fronts se resserrent, qu'on se rapproche de l'Allemagne, et là le problème du pétrole devient finalement moins stratégique. Il devient moins stratégique à la fin de la guerre, on comprend bien, c'est extrêmement logique quand les territoires, les zones de combat se réduisent. Ce qui est intéressant à analyser, nous l'avons vu avec la Première Guerre mondiale, qui est un moment où le pétrole a une certaine importance, mais qui a des échos sur le après la guerre. Avec la Seconde Guerre mondiale, nous avons exactement le même phénomène. En fait, l'importance prise par le pétrole pendant le conflit explique ce qui se passe après-guerre. Exemple, avec les actualités françaises, le 20 février 1947. Dans le Turkménistan, des expéditions soviétiques recherchent dans le désert de Karakoum les traces de nappes pétrolifères qui, selon les géologues, ne peuvent manquer de s'y trouver. De l'avion mis ainsi au service du prospecteur, celui-ci détecte les dépressions dans lesquelles affleure le pétrole et qu'il va ensuite à terre analyser. C'est par cette méthode que plus de 30 gisements ont déjà été découverts. La course à l'or noir continue. La course à l'or noir continue dans les actualités françaises le 20 février 1947. Hélène Rousselot, dans les zones que vous avez étudiées, qui sont en fait autour de la mer Caspienne, toutes ces républiques du sud de l'URSS, autour de ces zones-là, le pouvoir soviétique porte un regard très particulier après la Seconde Guerre mondiale dans un autre contexte, qui est toujours un contexte guerrier, qui est celui de la guerre froide. Comment se structure cette production du pétrole dans des zones qui n'étaient peut-être pas autant exploitées au début du XXe siècle qu'elles vont l'être après? Nous sommes à un moment où, d'un seul coup, dans les républiques que vous avez étudiées, Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, dans ces républiques-là, on a d'un seul coup la possibilité d'imaginer une autonomie complète pour l'URSS. On est juste après la guerre, ils ont autant de pétrole qu'ils veulent. Est-ce que c'est si simple que ça ? Non. Qu'entendez-vous par autonomie ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une réflexion, on le disait pendant la guerre, entre les différentes puissances pour avoir du pétrole et pouvoir ne pas dépendre d'ailleurs. Et dans la construction de l'URSS, ou en tout cas de la Russie étendue aux républiques soviétiques, il y a la volonté de maîtriser des républiques sœurs de façon à avoir du pétrole autant que l'on veut. Oui, donc vous parlez de l'autonomie de l'Union soviétique. Oui, oui. République sœur, oui, enfin des républiques qui ont un statut de république socialiste soviétique, qui sont des républiques qui appartiennent donc à l'Union soviétique. Ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, donc pour ces républiques à l'est de la Caspienne, qui n'ont pas souffert des destructions du second conflit mondial, au contraire, qui ont bénéficié, entre guillemets, de l'évacuation de beaucoup d'industries des parties envahie par l'armée nazie. Donc il y a la volonté, notamment sous Nikita Khrouchtchev, c'est lui qui décide de continuer à valoriser de façon de plus en plus intensive les ressources naturelles de l'Union soviétique. Donc l'accent est mis sur la prospection de plus en plus importante dans ces zones. Parce qu'encore une fois, on savait de façon plus ou moins sûre qu'il y avait de grosses réserves. Et donc, on continue à prospecter en sachant qu'on a de bonnes chances de trouver. Et on trouve effectivement des gisements énormes. En plus, après donc la disparition de Staline, on commence à s'intéresser fortement au gaz naturel, et donc des gisements énormes sont découverts dans les deux républiques. Voilà. Oui, mais voilà, donc on trouve du pétrole là où on savait qu'il y en avait, ce qui est déjà essentiel. Et du gaz, oui. Et du gaz aussi, faut le dire, parce que c'est vrai que dans le premier XXe siècle, le gaz n'a pas d'importance. N'a pas d'importance. Il n'est pas exploité, ni en Union soviétique, ni dans le reste du monde d'ailleurs. Le fait que en 1991 ces républiques deviennent indépendantes, elles bénéficient d'un avantage particulier par rapport au reste des autres républiques qui elles n'ont pas de pétrole. Elles se distinguent en cela d'autres républiques et peut-être même de la Russie elle-même, qui est toujours en quête de son approvisionnement en pétrole. Oui, alors le Turkménistan continue pendant un certain temps à livrer ses hydrocarbures à la Russie, donc sur des modes qui continuent à être ceux des échanges soviétiques, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'échanges commerciaux, mais de livraisons à des prix qui ne sont pas ceux du marché. Et donc effectivement, ces deux pays misent énormément après 91 sur leurs ressources en hydrocarbures pour compenser le fait que le centre, enfin l'ancien centre, c'est-à-dire les structures fédérales soviétiques qui n'existent plus, n'envoient plus d'allocations ni aucun transfert, donc il faut que remplir les caisses de l'État. Et les premières solutions qui sont trouvées et qui restent encore largement vrai aujourd'hui, 30 ans bientôt après l'indépendance, c'est toujours la vente d'hydrocarbures à l'étranger. Le Kazakhstan, depuis longtemps, exprime des volontés de diversification de son économie, mais ça reste encore très, très hypothétique. Et le Turkménistan lui a fait carrément le choix de vendre son gaz à la Chine. Oui, alors voilà, on a vraiment, en fait, dans cette réflexion sur la géostratégie, la géopolitique du pétrole, dans cette zone autour de la mer Caspienne, des choix différents. Mais une certitude, c'est que le pétrole reste aujourd'hui encore au cœur des convoitises. Et on sent bien que les conflits mondiaux ont été, en fait, plus un accélérateur de cette convoitise plutôt que avoir eu besoin absolument du pétrole. Merci beaucoup Christian Destremo, merci Hélène Rousselot, mais il est 9h53 dans le cours de l'histoire sur France Culture, l'heure de retrouver le journal de l'histoire avec Anaïs Quien. Aujourd'hui, dans le journal de l'histoire, bonjour Anaïs. Bonjour Xavier Mauduit. Il est question de littérature fantastique et de science. Tolkien et les sciences, c'est le titre de l'ouvrage dirigé par Roland Lehoucq, Loïc Mangin et Jean-Sébastien Steyer, qui ont voulu mettre à profit l'univers de l'auteur du Seigneur des Anneaux pour parler de science. Comment Tolkien a-t-il inventé la langue des elfes? Comment vole un dragon? Quelle est la géologie de la Terre du Milieu? Autant de questions que se posent les 39 auteurs de ce catalogue de l'exposition éponyme qui commence cette semaine à la Bibliothèque Nationale. Il trahit Isildur, le menant à la mort. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. John Ronald Royal Tolkien est un honorable professeur de littérature à Oxford lorsqu'il publie Le Hobbit en 1937, puis Le Seigneur des Anneaux en 1948, devenus les succès mondiaux connus depuis. La Terre du Milieu, cet univers fantastique qu'il crée au fil des ouvrages, est relu avec un intérêt particulier donné à toutes les sciences qui ont inspiré Tolkien. Botanique, généalogie, linguistique, chimie, bien d'autres encore, et son intérêt à son rapport au temps et à l'histoire. Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been found. Is it secret? Is it safe? Tolkien situe l'action du Seigneur des Anneaux plusieurs millénaires avant notre ère. Les origines fabuleuses de ce monde tourmenté par un combat moral autour de la question du pouvoir s'appuient sur l'Ancien Testament. Le monde fantastique est peuplé de créatures angéliques trahies par Melkor, qui ne tarde pas à vouloir assouvir sa soif de puissance. Tolkien invente toute une bibliothèque et ses historiens, auteurs des ouvrages fondateurs qui transmettent ce récit des origines, recensent les inventions et le génie des elfes, des hobbits et bien d'autres encore. Dans les chroniques des jours anciens, Tolkien construit des mythologies, une histoire, des univers spirituels et séculiers qui influent sur les modes de décision de ses personnages et leurs quêtes, et nous éclairent sur leur conception de l'univers, de la création des éléments, à ses différents âges historiques, en passant par ses langues, sa littérature courtoise et sa géographie. Tolkien se présente comme simple traducteur de ces traditions littéraires de civilisations perdues, imaginaires, dont il serait le dépositaire et le passeur. Ainsi, c'est devant les murs de Minas Tirith que sera scellé le destin de notre temps. L'heure est venue, cavaliers du rang! Vous avez prêté serment! Respectez-le! Pour le Seigneur et la Terre! Si Tolkien aime la science-fiction, il lit Asimov, David Lindsay, C.S. Lewis, il affectionne surtout la féerie et son esthétique. En développant sa répugnance pour les falsifications artificielles du récit dans la littérature d'évasion, il trouve le moteur de sa création littéraire et repousse les aspects ridicules de la science-fiction. Il préfère à une machine crachotante ou un taxi volant à la crédibilité douteuse que ses personnages voyagent dans le temps par la réminiscence, la vision ou le songe. Selon Damien Bador, un des auteurs de Tolkien et les sciences, plus que l'histoire d'un monde, Tolkien invente la façon dont un monde se décrit à lui-même et transmet son savoir aux générations ultérieures. Une œuvre si complexe que son auteur est mort avant de pouvoir l'achever. C'est Bétassou. Merci beaucoup Anaïs. On retrouve toutes les informations et les liens utiles sur la page du Journal de l'Histoire sur franceculture.com. L'exposition Tolkien et les sciences commence à la BNF, ce sera mercredi. Et évidemment, pour ceux qui ne veulent pas y aller tout de suite ou qui ne peuvent pas y aller, eh bien, il y a une quête possible, celle du catalogue de l'exposition. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Camille André, Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Alice Rouet, des émissions à réécouter en ligne ou en podcast. Et retrouvez-nous sur le groupe Facebook, le groupe Le cours de l'histoire, demain sur France Culture. Dans l'émission d'histoire, ce sont les paysages noirs, pétrole et pollution.